Chapitre 3. Le sacrifice de la belle. Vous êtes très ingrat, dit la bête d'une voix terrifiante. Je vous accueille dans mon château, je vous sauve la vie, et vous, vous me volez ce que j'aime le plus au monde, mes roses. Pour réparer votre erreur, il n'y a qu'une solution, mourir. Le père se met à pleurer. Monseigneur, pardonnez-moi. Vous avez été si généreux. Ne vous mettez pas en colère. J'ai pris cette rose pour une de mes filles. Je ne m'appelle pas Monseigneur, mais la bête. Je déteste les compliments et j'aime la sincérité. Vous avez parlé de vos filles. Je veux bien vous pardonner, mais à une condition. Une de vos filles doit mourir à votre place. Si elle refuse, jurez de revenir ici dans 3 mois. Le père jure de revenir. Il ne veut pas sacrifier ses filles, mais désire les voir une dernière fois. Avant de partir, la bête ajoute. Je ne suis pas si cruel. Retournez dans la chambre où vous avez dormi. Il y a un grand coffre. Remplissez-le avec ce que vous voulez. Demain, il sera chez vous. Le père remplit alors le coffre d'une grande quantité d'or. Il récupère ensuite son cheval et quitte le château. Quand il arrive chez lui, il donne la rose à la belle en pleurant. « Prends cette rose, la belle, elle me coûte très cher. » Le père raconte alors toute l'histoire. Le vol de la marchandise, le château dans la forêt, la rencontre avec la bête. Les deux aînés se mettent en colère. « Tout ça, c'est la faute de la belle. Et regardez, elle ne pleure même pas !»« Parce que c'est inutile, » répond la belle. « Notre père ne va pas mourir. Je vais aller chez cet horrible monstre à sa place. »« Non, ma sœur, » lui disent ses frères. « Nous allons aller tous les trois dans son château pour le tuer. »« C'est impossible !» s'exclame le père. « La puissance de cette bête est immense. Je suis vieux. C'est à moi de retourner dans ce palais pour mourir. » Mais la belle insiste et toute la famille accepte sa décision. Ils sont tous très tristes. Sauf Hortense et Rosemonde. Quand le père va se coucher, il aperçoit devant son lit le coffre plein d'or promis par la bête. Au moment du départ de la belle, Hortense et Rosemonde se frottent les yeux avec des oignons pour avoir l'air triste. La belle est très émue de voir ses sœurs pleurer. « Mes sœurs sont tristes. Elles m'aiment bien finalement, » pense-t-elle. Désespérée, le père accompagne sa fille cadette chez la bête. Une fois arrivés, ils entrent dans le palais et découvrent une table recouverte de nourriture. Quelle abondance ! La bête veut m'engraisser avant de me dévorer, pense la belle. Après avoir mangé sans appétit, ils entendent enfin le bruit terrifiant qui annonce l'arrivée de la bête. La belle voit son horrible visage et commence à trembler. Son père n'a pas menti. Ce monstre est vraiment terrifiant. « Vous êtes courageuse de venir ici !» dit la bête d'une voix très forte. « Non, c'est normal. C'est ma faute. Ah, si je n'avais pas demandé cette rose à mon père !» À ces mots, le père se remet à pleurer. Le monstre, énervé, lui dit « Vous, partez demain et ne revenez plus jamais ici !» Terrorisé, le père regarde ce monstre qui lui prend sa précieuse fille. La belle lui dit « Papa, il ne faut pas avoir peur. Allons dormir pour nous reposer un peu. » Dans la nuit, la belle rêve qu'une fée lui annonce « Tu as un grand cœur et tu seras récompensé d'avoir sauvé la vie de ton père. »